بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد واليوم نشرع في باب جديد. Aujourd'hui on commence un nouveau sous-chapitre. قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الكسوف. Le sous-chapitre concernant la prière صلاة الكسوف, la prière qui est liée à l'éclipse. قالت العلماء إن الكسوف لغة هو التغير التغير إلى السواد. Les savants ils disent que le kusuf, l'éclipse, le kusuf, le mot, excusez-moi, pas l'éclipse, mais le mot kusuf, le verbe kesef dans la langue arabe, c'est le fait de changer de couleur et de s'assombrir. Le fait de s'assombrir. L'idélika yukol kesefe wajhuhu. On dit le verbe kesefe pour le visage de quelqu'un lorsqu'il s'assombrit. Wa kesefati shems. Et le soleil s'assombrit. Ici, on l'utilise aussi donc pour l'éclipse qui est le sujet du jour. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila anna الكسوف خاص بالقمر والخسوف يختص بالشمس وقال آخرون بالعكس. Certains savants ils voient que le mot kusuf est spécifique pour l'éclipse lunaire et que le mot khusuf est spécifique pour l'éclipse solaire parce qu'on a les deux éclipses. Et d'autres savants ils voient l'inverse. والصحيح من ذلك القول الثالث. Et l'avis le plus juste dans tout ça, c'est le troisième avis. وهو أن الخسوف والكسوف يطلقان على الشمس والقمر. L'avis le plus juste, c'est qu'on peut utiliser le khusuf et le kusuf pour l'éclipse solaire et pour l'éclipse lunaire. Pour l'éclipse solaire, tu vas utiliser khusuf et kusuf. Pour l'éclipse lunaire, même chose. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينخسفان. لا ينخسفان. Ici, on a le terme انخسف qui vient de خسوف. Il parlait de الشمس والقمر. Il parlait des deux. Et donc, on peut utiliser le mot خسوف pour les deux. Il y a aussi, dans une autre narration, لا ينكسفان. Et donc là, on a El Kusuf pour les deux, pour El Shems ou El Komar. وَكُنَّا قَدْ دَرَسْنَا فِي دُرُوسِ التَّفْسِيرِ رَأَيْنَا أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ لَنَا آيَاتٍ عَظِيمَةٍ تَدُلُّ عَلَى قُدْرَتِهِ. On a vu dans les cours de tafsir que Allah Tabaraka wa Ta'ala a placé pour nous des signes grandioses qui montrent sa puissance, tabaraka wa ta'ala. On avait cité le Fajr parmi les signes qu'on voit tous les jours. Subhanallah. Parfois, franchement, il faudrait juste se lever, aller dans un endroit, se lever bientôt, aller dans un endroit où on est posé, on sait qu'on va bien voir le Fajr arriver, et regarde, t'admire. N'oublie pas de prier, par contre. Tu regardes le Fajr arriver, tu pries, et après tu regardes encore comment ça se passe. Les signes qu'il y a dans le ciel. La puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que personne ne peut rien venir changer. Personne. Fait, man ta'ammala fil kusuf, adraka anna Allah yaf'al ma yurid. La personne qui médite sur l'éclipse solaire ou lunaire, la personne qui médite sincèrement, comprend que Allah tabaraka wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. وَأَنَّ الَّذِي غَيَّرَ حَالَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَةِ قَدْ يُغَيِّرُ كَذَلِكَ أَحْوَالَ النَّاسِ مِنَ الرَّخَاءِ إِلَى الشِّدَّةِ. La personne médite, elle se dit, subhanallah, celui qui a changé cette situation, donc de la lumière à l'obscurité, il est aussi capable de changer la situation des hommes, de l'aisance, à la difficulté. Allah tabaraka wa ta'ala En pleine journée, il enlève la lumière du soleil. Il n'est pas capable de t'enlever ton argent. Il n'est pas capable de faire en sorte que tu aies une maladie. Il n'est pas capable de faire en sorte et autre pour t'éprouver. Et donc, celui qui voit ce genre de signe, il faut qu'il médite, les frères. Il faut qu'il médite. Souvent, parfois, c'est déjà arrivé qu'il y a une éclipse et tu vois tout le monde, attention, il y a une éclipse, il y a une éclipse, on est là, on veut, alors comment on fait l'ibadat, comment on fait, comment on fait. C'est bien d'avoir le fiqh, c'est bien de comprendre pourquoi, comment on fait la salat. Mais il faut méditer aussi sur ce qui se passe. Il faut méditer. فهذا من الأمور المهمة وكذلك فيه تخويف للعباد. Et donc il y a en cela le fait de faire peur aux serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu vois ça, tu dois avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. فترجع إليه. Tu reviens vers ton Seigneur, repentant, تائب من الذنوب. فقال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جميعا فاجتمعوا وتقدم فكبر أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات ويقال أيضا سجدات إذن. Selon Aïcha radhiyallahu anha, qui dit qu'il y a eu une éclipse solaire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc envoyé un homme appeler les gens Es-salata jami'atan. On peut aussi dire Es-salatu jami'atun. Certains savants, ils ont dit on peut aussi dire Es-salata jami'atun. Et on peut aussi dire Es-salatu jami'atan. Ça, c'est à revoir dans les cours de Nahou avec Yassine, Inch'Allah. Fajtama'u, alors ils se sont rassemblés. Après Nida, ils se sont rassemblés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est avancé. Il a fait le takbir. Et donc, il a prié Arba raka'at. Quatre raka'at. Dans deux raka'at. Quatre raka'at. Dans deux raka'at. Est-ce qu'on a compris? Qui est-ce qui a déjà pris, qui a déjà fait salat al-kusuf? Et si je dis rukour, là on va mieux comprendre. Mais le terme qui a été utilisé, c'est raka'at. C'est pour ça que j'ai dit raka'at. D'accord? En fait, ce qui est voulu ici, c'est que il y a deux rukours. Il y a deux rukours. Excusez-moi, il y a deux raka'at. Mais qu'il y a quatre rukours. Normalement, quand on fait la prière de Sobh, par exemple, on a combien de raka'at? On en a deux. Il y a combien de rukours? Deux rukours. Là, il y a deux raka'at et quatre rukours. Ça veut dire dans chaque raka'at, il y a deux rukours. Voilà. Exactement. Chaque raka'at, il y a deux rukours. Et on le verra, Inch'Allah ta'ala, en détail, de toute façon. Et donc, quatre prosternations. Ça, c'est normal. Pour deux unités, quatre prosternations, c'est normal. في هذا الحديث أن صلاة الكسوف ليس لها أذان ولا إقامة. Il y a dans ce hadith que le fait que la prière qui est liée à l'éclipse, il n'y a pas de أذان ni de إقامة pour cette prière. On ne fait ni أذان ni إقامة. وَإِنَّمَا يُنَادَى لَهَا. Cependant, on va donc faire un appel en disant Es-salatu jami'atan. Ou alors jami'atun, excusez-moi. فَإِنْ قَالَ قَائِلْ وَلِمَاذَا لَمْ يُشْرَعِ الْأَذَانِ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ. Si une personne nous dit, mais pourquoi est-ce que le Adhan il n'est pas légiféré pour cette prière? On répond quoi? Qui a dit ça? Elle est venue d'où la réponse là? Masha'Allah. Et donc, on répond, avant de dire ça, on répond, Inna Allah yaf'alu ma yurid. Allah fait ce qu'il veut. On va pas venir commencer. Pourquoi est-ce qu'il y a cinq prières? Pourquoi est-ce qu'on doit jeûner que Ramadan obligatoire? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tel mois? Pourquoi si? Pourquoi ça? Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné de faire comme ça. On fait comme ça. D'accord? Par contre, information en plus, قال أشار بعض العلماء إلى أن الأذان والإقامة يختصان بالصلوات الواجبة. Et donc certains savants nous disent que l'adhan et l'iqama sont spécifiques, sont propres aux prières obligatoires. Et c'est les savants qui voient que salat al-Eid, elle n'est pas obligatoire, comme on a vu précédemment. Et nous disent salat al-Eid, sunnatun mu'akkada, ce n'est pas obligatoire. Tayyib, wa hadha yurji'una ila mas'ala, ma hukmu salat al-kusuf. Quel est le jugement de la prière du kusuf? Faqala ahlul ilmi, ونقل غير واحد منهم الإجماع على أنها سنة مؤكدة. Et donc il y a plusieurs des gens de science qui ont rapporté l'unanimité sur le fait que c'est une sunna mu'akkada. Et parmi eux il y a l'imam, il y a al-Hafidh al-Nawawi, comme dans son explication de Sahih Muslim. طيب, une autre question nous vient. لما لم يشرع هذا النداء للصلوات الأخرى من النوافل كالعيد. Pourquoi est-ce que cet appel, le fait de dire الصلاه جامعه, il n'est pas légiféré pour les autres prières surérogatoires telles que la prière du Eid? Parce que c'est imprévisible. Elle est imprévisible. لأن الكسوف يأتي مفاجأة. Le kusuf il vient donc de façon imprévisible. Et donc les serviteurs sont surpris par cette lumière qui a changé, etc. Et à ce moment-là, on fait cet appel pour que les gens se préparent. L'imam, l'anna salat al-Eid, an-nas yasta'idun lil-Eid qablaha bi-ayyam. Concernant la prière du Eid, les gens se préparent avant la prière, des jours avant. Des jours avant, ils vont acheter le camis du Eid, hein, pour les enfants, la robe du Eid pour les petites, hein. Et à chaque fois, les papas qui sont là, subhanallah, chaque Eid comme ça, il faut acheter des nouveaux camises, des nouveaux, bon, khalas. Et donc, on a, les gens, ils se préparent pour cet acte avant la prière. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de leur dire, as-salat ou jamia. Illa anna fi zamanina hadha, ma'a et taqaddum, kod, يعرف المرء ب وقد يطلع الناس على الكسوف قبله بساعات او بيوم او ما اشكال ذلك. Et donc aujourd'hui à notre époque avec l'avancée technologique, les gens dans certaines régions ils peuvent être au courant de l'éclipse avant qu'elle arrive, quelques heures avant, parfois un jour avant, parfois un peu plus, etc. Dans certaines régions et dans d'autres non encore. Et donc ici à notre époque les gens peuvent se préparer malgré ça, mais on verra un petit détail important justement lié à cela tout de suite. Aïcha elle nous dit radiallahu anha, elle nous dit fajtama'u, alors qu'ils se sont rassemblés. Ta'malu ayyuhal ikhwa, an-nas lam yakunu 'ala 'ilmin bi hadha al-kusuf. Les gens ne savaient pas qu'il allait avoir une éclipse. Fa akhadhahum al-kusuf hakadha mufaja'atan. L'éclipse, elle est arrivée, donc, de façon imprévisible. Et c'est là que monsieur, donc celui qui a commencé à appeler à la prière, il l'a appelé à la prière. « Fajtama an-nas, aïe !» Taraku a'malahum. Les gens se sont rassemblés pour prier, et ils ont donc délaissé leurs œuvres, ils ont délaissé leur travail, ils ont délaissé ce qu'ils faisaient. Il n'y a pas de « attention, je fais... » Non, non, « as-salatu jami'a, allez, on y va !» Hada yadullu ayyuhu al-ikhwa ala hirs ha'oula is-sahaba. على العبادة وعلى ما ينفعهم. Cela nous montre, oh mes frères, l'importance et les efforts que faisaient les compagnons dans l'adoration et pour faire le khair, pour faire le bien, ce qui leur est profitable. El yaum, el rajul ya'lamu bi salat al kusuf qablaha bi ayyam wa huwa la yahdur. Aujourd'hui, les gens ils sont au courant de salat al kusuf peut-être plusieurs jours avant la prière et ils viennent pas. Ils viennent pas. Il se peut que salat al-kusuf, c'est un dimanche, personne travaille. Ils viennent. Ah, faut sortir, faut prendre la voiture. Il fait froid. En plus, aujourd'hui, à la météo, ils ont annoncé qu'il pleut. Voilà quoi. Inch'Allah khair. On va prier la prière obligatoire, Inch'Allah. Yakfine. Hein? On a compris que ça y est, ça c'est pas obligatoire. C'est ça le problème. C'est que Quand on apprend la prière, est-ce qu'elle est obligatoire ou pas? C'est pas pour te dire, ah, c'est bon, tu peux la délaisser. C'est pour que tu saches que si tu ne l'as pas fait, si tu ne l'as pas accompli, tu n'as pas de péché, tu n'as pas besoin de la rattraper. C'est ça. C'est pas pour qu'à chaque fois qu'on entend, ah, sunna, c'est bon, je fais pas. Sunna, c'est bon, je fais pas. Sunna, khalas, khalas, khalas, khalas. On délaisse toutes les sunnan. Jusqu'à ce que, après, tu délaisses les obligatoires. Comme ça, il vient chez toi. Et donc, il faut qu'on fasse des efforts, les frères, concernant ce sujet. وأخيرا قبل أن ننطلق أو ننطلق غدا في المسائل الفقهية الخلافات أيها الإخوة هذا الأمر الشديد يؤسفنا ça c'est vraiment quelque chose qui attriste أن الله تبارك وتعالى جعل هذا الأمر آية لنا لنرجع إليه الله تبارك وتعالى il a fait que cette éclipse c'est un signe pour qu'on revienne vers lui repentant. واليوم سبحان الله لبعد الناس عن السنة ولقسوة قلوبهم تجد المرء يعصي الله تبارك وتعالى مرتكبا لكبيرة حال الكسوف. Aujourd'hui, tu peux trouver quelqu'un à cause de la dureté de son cœur et l'éloignement de la religion. En pleine éclipse, il désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala. En pleine éclipse solaire ou lunaire, il désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala. Il accomplit des grands péchés. Aina al-khawf min Allah. Où est la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala? Où est la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala? Jusqu'à où on va continuer comme ça? C'est ajib. Et on a ça exactement à notre époque. Des gens qui meurent, ils viennent à Corona, Corona, ils meurent, ils meurent, ils meurent. Les péchés continuent. Subhanallah, que annana la nudri, comme si on ne comprend pas. Que ça, la mort, elle peut nous prendre. Non, tout le monde va mourir sauf moi. Moi, alhamdulillah, inshallah, j'ai le temps à tout. Tout le monde va mourir sauf moi. Subhanallah, il y a vraiment une situation qui m'a attristé, les frères. Récemment, on m'a appelé, et c'est vraiment important. C'est un frère qui m'a appelé, il m'a dit « Fakod Toufi et Ami, mon oncle, il est mort. » Et je l'appelais tout le temps à la salat. Tout le temps, je lui disais « Salat, salat, salat. » Et il me disait « Inch'Allah, je vais prier. Inch'Allah, je vais prier. » Femet, il est mort. La question c'était, est-ce qu'on peut prier sur mon oncle? Et donc les frères, ça c'est quelque chose qui fait mal au cœur. Le fait que l'être humain s'accroche à cette dunya en se disant, Inch'Allah, j'ai le temps. Taïb, hal ittakhadhta ma'allahi ahdan? Est-ce que tu as pris un engagement avec Allah tabaraka wa ta'ala que tu vas vivre jusqu'à 40 ans, que tu vas vivre jusqu'à 80 ans? Est-ce que tu as pris un engagement avec Allah tabaraka wa ta'ala que tu vas vivre jusqu'à demain? Ça sert à quoi à chaque année on est là? Bellirna Ramadan, bellirna Ramadan. Oh Allah, fais-nous parvenir jusqu'à Ramadan, fais-nous parvenir jusqu'à Ramadan. Mais dans notre tête, on fait cette invocation pour que Allah nous fasse parvenir jusqu'à Ramadan. Ça veut dire que normalement, on a la croyance qu'il se peut qu'on n'arrive pas jusqu'au prochain Ramadan. C'est ça normalement ta croyance. Mais non, on dit cette invocation, mais dans notre tête, on est « Inch'Allah, dans 20 ans, tata, je vais pouvoir faire la hijra parce que là, j'aurai économisé pour acheter 5 villas. » Subhanallah al-Aliyah. Et donc, il faut qu'on se réveille, les frères. Barakallahu fikoum. Allah nous envoie des signes tous les jours. Regarde le matin. Si tu as envie de te faire du bien au cœur, sors très tôt. Regarde le fajr. Regarde comment ça se passe. Le soir, regarde le coucher du soleil. Regarde comment ça se passe. Si tu as envie de te purifier le cœur, de voir, de méditer sur la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite, de purifier nos cœurs et de nous éloigner des péchés. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu anna ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khair.